C'est pas une chanson douce, non. Why she don't love me, J'y pense à chaque fois que je vais me coucher, chaque fois que je les ai reluqués. Maintenant il est trop tard, tourner la page est une fatalité. Dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es. Nos peines sont si immenses qu'elles peuvent détruire tous nos rêves, ouais. Allongé sur divan, qu'elles ne survivent en au père. Au passé tu parles des moments qui faisaient tes repères. Pour percer tu l'as vexé au point qu'il vient de se taire. Il aimerait bien sauter, oublier qu'il vient de tout perdre. Le pire c'est que personne ne voit pas qu'il fait comme si de rien n'était et qu'il essaie de remonter la pente, ouais. En fermant les yeux pour lui il est déjà parti. Quand tu lui as ouvert c'était difficile d'atterrir, hein. Entends tes rires pour qu'il arrête de souffrir. Il aimerait acquérir le moyen de te reconquérir. C'est vrai que tu lui fais mal comme dans Anti-Vénus. Son cœur se fait la masse cachant dans plusieurs utérus, hein. Pourquoi est-ce que tu t'en parles? Pourquoi je fais que d'en parler? Il a tourné la page pendant que j'ai ton enfant. Je pense à elle avant d'en faire avancer des frontières. J'aurais de jeter un sang même si c'est plus de ce que je sais. Fais des russes irrustiques, roulant des questiques, comptant ses conneries, quel con il doit se dire. Une histoire d'un soir qu'a fini avec l'alliance. C'était une histoire d'amour qui l'a conduit à l'enterrement, hein. Il permet trop car il a vu s'éloigner, ouais. Il perd au change car le challenge a échoué. Il aurait dû garder sa langue dans sa poche et bosser comme un forcené pour l'avoir devant sa porte. Supporter que dans les bras d'un autre tu t'endors. Faut juste lui fournir la corde, ensuite il ira se pendre. Le soir du 30 septembre, il tente de faire le point. Y'a pas d'accent conséquent, il prend son mal en patience et pense à tous les moments où il l'a mis de côté. Ébranler ton bonheur, c'est ce qui te pendait au nez. Avec toutes les larmes versées, les rôles se sont inversés. Elle t'a pas fait de signe quand comme un canard tu voulais danser, ouais. À ce que ton cœur se fasse déchirer, ça pue la déchéance, j'en suis désolé. Il dévoile ses sentiments à tout le monde sauf à toi. C'est vrai qu'il est rancunier, mais pour toi il efface l'ardoise. Face au miroir, c'est ton reflet qu'il regarde. S'il est vrai, partant premier, ton cœur doit être en retard. Tel un go fast, t'étais son éclaireur. Il perd le moral quand t'appuies sur l'accélérateur. Pour toi, il tente le tapis, alors que c'est du gros bluff. Il aurait pu donner sa vie, mais il périt dans ton cœur. Les périples font peur, il subit ta terreur quand il a fait l'erreur de frimer, c'était devenu l'horreur. Les yeux rivés vers le ciel, j'essaie d'atteindre les nuages. T'as assombri tous mes rêves, a fait apparaître l'orage. T'aurais pu être plus clémente, même en étant si distante. Insistant, j'ai pu être car je voulais rattraper le temps. Pourquoi est-ce que tu t'en parles? Pourquoi je fais que d'en parler? Il a tourné la page pendant que j'ai ton enfant. Je pense à elle avant d'en faire avancer des frontières. J'aurais de jeter un sang, même si c'est plus de ce que je sais. C'est pas une chanson douce, mais j'ai une chance sur douce. Pour que t'écoutes le piano jouer avant que les mots dégoûtent. Tais-toi, car t'étais tout à ses yeux. À genoux pour parler de ses doutes et dire ce qu'il veut. Son cœur brûle à petit feu, y'en a qui mangent un petit peu. Tu laisseras pas traîner ton fils par peur qu'il le vive.